Hé, hey Béné, dis à ton frère Cabanera que ce fumier de Paraíba est en train de balancer tout le monde. Et que moi, je me casse de la favela. Hé, Mara, je comprends que tu sois pas d'accord avec le trafic de stupes et ce qui se passe dehors. Indiquer, c'est pas la bonne solution. J'en vois trop faire en prison à cause de tes décisions. On va serrer dans les ruelles à coups de pelle dans la tête, comme tu l'as fait pour ta belle. Et l'histoire se répète. Ne venez pas chez nous, ne venez pas chez nous, ne venez pas chez nous. Tu. On dit que les envieux sont souvent des jaloux. On a ce que tu veux, donc tu veux nous envoyer au trou. Tu flics de nous, t'as la trouille sur ton. On devrait faire cracher des douilles. Balance au commissariat, pareil que t'aimes bavé. Tu respectes pas l'omerta, mais t'es plus sanctionné. À l'époque, un bon te résectionner. Boucaf, tu vas finir dans la cave, dans la gueule pleine balafre. Tu t'es pas retenu en garda, même en plein milieu de la favelas. Tu mouilles des tuyaux dans le commissaire comme tu t'es l'air. Tu craches des infos pendant que ta femme se fait t'envoyer en l'air. Ça l'indique, tu mérites que je te nique. Tu mets la haine à mort, demande ta mise à mort. Espèce de véreux, ta curiosité, t'as joué un mauvais tour. Maintenant tu te retrouves face à un animal de la cour. Insociable à cause des injustices. Et tu niques les indiques. Balance. Hey, para, je comprends que tu sois pas d'accord avec le trafic de stupes et ce qui se passe dehors. Indiquer, c'est pas la bonne solution. J'en vois trop faire en prison à cause de tes décisions. On va serrer dans les ruelles à coups de pelle dans la tête, comme tu l'as fait pour ta belle. Et l'histoire se répète. Ne venez pas chez nous, ne venez pas chez nous, ne venez pas chez nous. Tu. La parole d'un envieux prend partie sur la victime. Des appels anonymes, souvent des ennemis intimes. Une répugnance totale à cause des avantages d'autrui. Une influence amie, des moments de ta vie. La honte, on vient d'apprendre, tu as trahi un ami. Pour du bif, tu serais prêt à vendre ta famille. On se méfie de toi, ta parole est redoutable. Ça parle que de toi, paraît que tu es passé à table. L'ampleur des faits t'ont fait trembler. Les coups de potin t'ont fait succomber. En promenade, la ronde t'atteint, alors tu penses à t'isoler. Des menaces, des insultes, t'es même pas désolé. Aucune dignité, même ta femme t'a rejeté. Un vrai coincé, toujours énervé. Tout le temps là à se plaindre. Ta flamme a fini par s'éteindre. Cherche un endroit où s'évader. Se changer les idées, et voilà seul. Esclave de la société. Balance. Et para, je comprends que tu sois pas d'accord avec le trafic de stupes et ce qui se passe dehors. Indiquer, c'est pas la peine.